Chez les premiers Romains, ni la naissance ni la fortune ne donnaient autant de droits au respect public que la vieillesse. Les jeunes gens respectaient les vieillards, à l'égal de leurs parents et des dieux. Mais, dans tous les lieux publics, dans toutes les circonstances, les vieillards occupaient le premier rang et jouissaient de toutes les prérogatives. Au sortir des festins, comme nous le lisons dans les plus anciennes annales, ils étaient reconduits jusque chez eux par les jeunes gens. Plus tard, lorsque l'on eut compris la nécessité de favoriser l'accroissement de la population et qu'on eût accordé des récompenses et donné des encouragements à la paternité, dans certains cas, on préféra les hommes mariés et les pères de famille aux vieillards qui n'avaient ni femme ni enfants.